Chapitre 13. Il dut convenir que pour attirer un partisan au petit Water, c'est celui-là qu'il fallait montrer. Il n'était pas sûr que la jeune fille plairait à son ami, mais il n'avait aucun doute sur l'effet que lui ferait Terry. Depuis le matin, il se demandait s'il suffirait de la meilleure volonté du monde pour combler l'intervalle qui séparait ces dames, l'une pleine de principes et l'autre d'expérience. Mais entre Terry et Rose, nul besoin d'explication. Leurs âmes se comprendraient en même temps que leurs regards. Boyne décida d'amener son ami après le déjeuner. Il n'y avait pas à compter que l'enfant se lèverait ce jour-là. L'émotion de la fuite, la fatigue du voyage, avaient eu vite fait d'épuiser ses petites forces et tout ce qu'il pouvait faire était de fixer du fond de son lit ses grands yeux sur son vieil ami en protestant que l'air de Cortina le remettrait bientôt sur pied. Le médecin était déjà venu et grâce aux soins de l'institutrice, la température du petit malade était redevenue presque normale. Cette fois, si papa et maman nous laissent ici, je suis sûr que je vais être d'aplomb. Et vous allez bien rester un peu pour vous occuper de vos gosses, n'est-ce pas, Martine ? Boyne l'assura qu'il resterait le plus possible et ne partirait pas avant que les affaires fussent en voie d'accommodement. Il ajouta qu'il faudrait sans doute négocier et Terry s'écria. C'est justement ce qui nous a décidé. Nous savions bien que vous n'alliez pas nous lâcher et que vous trouveriez moyen de faire une paix avec la famille. Ses yeux prirent une expression singulière d'insistance. Voyez-vous, une séparation, cela ne vaut rien, ce n'est pas possible. De ce train-là, nous n'aurions jamais d'éducation. Et quant à des manières... Depuis la visite de Zinnia, les petits sont démoralisés. Ils ont entendu dire que Buendelmonte s'est remarié et les baies ont perdu la tête. Blanca ne pense plus qu'aux flirts et aux toilettes. Dès que ça se gâte entre nos parents, on dirait que les petits sentent cela dans l'air. On ne peut plus les tenir. Zinni a poché l'œil de Bun, parce que Bun a dit qu'il allait redevenir prince et vivre dans un palais à Rome et qu'il aurait sa Rolls. Un moutard qui ne sait même pas lire, conclut l'enfant avec un geste de mépris. « Mais oui, mon vieux, tu as raison. Ça va tout de travers. Il faut arranger ça et s'entraîner. C'est ce que je vais tâcher de faire comprendre à tes parents. En attendant, repose-toi, dors sur tes deux oreilles. Je te promets de faire de mon mieux. »« Ce n'est pas la peine de promettre. Nous y comptons, » dit l'enfant, qui laissa retomber avec une expression de joie sa petite tête sur les oreillers. En remontant jusqu'au chalet avec la jeune fille, il apprit d'elle les détails que la fatigue l'avait empêché de lui donner la veille. Les confidences de l'institutrice avaient toujours le caractère de généralité sombre. Pour le reste, elle s'abritait derrière le secret professionnel et Boyne n'avait pas voulu la forcer dans ses retranchements. Il savait du reste que la jeune fille n'aurait pas les mêmes scrupules. Elle ne voyait que le détail. Du reste, ce qu'il lui raconta n'avait rien d'imprévu. Comme elle disait elle-même, c'était toujours la même comédie. À peine Zinnia Lacrosse avait-elle jeté son dévolu sur Gérard Ormerod, l'idée était venue à Joyce qu'elle ne pouvait se passer de lui. Penser qu'il dînait tous les soirs au Lido avec les Wren chez le duc de Mandip, pendant qu'elle se rasait toute seule avec son mari sur le yacht, ou qu'il tâchait de tuer le temps avec des amis de rencontre, quelle humiliation! Et Joyce, dans son dépit, avait exigé le renvoi du précepteur. « Mais Terry l'aime tant !» avait répondu son mari. « Et ça, c'est vrai !» dit la jeune fille. « Il a de l'entrain, il sait bien son métier, on ne peut pas lui retirer ça. » Là-dessus, qu'avait fait Joyce ?« Eh bien, s'il ne prend pas immédiatement la porte, » avait déclaré à Water cette femme furieuse, « tu entends, je divorce et je l'épouse. » « Papa est hors de lui, » avait conclu la jeune fille. Colère, tempête et tout le tremblement. « Compliqué, » ajouta Judith, « par le fait que c'est moi que Gérard voulait épouser. « Comment, vous ?» « Ma parole, vous êtes tous fous !»« Je ne suis pas folle du tout. Je vais sur mes 16 ans et je suis un beau parti. Mais vous pensez bien que je ne vais pas lâcher les enfants. Et puis, Terry me dit qu'on ne se marie pas quand on ne sait pas l'orthographe. Ce serait ridicule. »« Ça, parbleu, ce n'est pas trop dire, » s'écria-t-il avec violence. Il pensa à l'effet que ses ouvertures allaient produire sur son ami. « Voyons, Judith. Au fond, moi, je n'en suis pas convaincu. » Il paraît qu'il y a des grands hommes qui n'ont jamais su l'orthographe. Napoléon, par exemple, et Madame de Sévigné, et Shakespeare signe chaque fois d'une façon différente. « Vous voilà bien forte en histoire, » fit Boyne. À quoi elle répondit avec simplicité. C'est Gérard qui m'a dit tout ça un jour, que je pleurais à cause de mes fautes d'orthographe. Ma foi, c'était bien fait, et Thierry a bien raison. Ce qu'il vous faudrait d'abord à tous, c'est un semblant d'éducation. Alors, je ne ferais pas si mal si j'épousais un précepteur, dit-elle d'un air angélique. Mais non, reprit-elle. Si je me marie, il faudrait lâcher les petits, alors c'est inutile. Tenez, nous arrivons, fit Boyne, qui se sentait nerveux. La voilà donc, cette chère enfant. Ah, mon Dieu, qu'elle est jeune! S'écria Madame Sellars en se précipitant pour embrasser la jeune fille. Jeune, se dit Boyne. Et elle, comme elle l'est, dans sa légère toilette de crêpe. Penchée sur la tête de Judith, la sienne semblait celle d'une grande sœur. Le second mouvement fut de s'apercevoir que ce geste empressé laissait la jeune fille assez froide. Elle sourit en levant les yeux sur son hôtesse. « Jeune, pourquoi ? » demanda-t-elle avec une simplicité pleine de menaces. « Et que sais-je pour tant de responsabilité ? » fit Rose, rabrouée dans son élan prémédité. « Ce doit être un compliment, je pense. À l'âge de maman ou au vôtre, il paraît que c'est très flatteur de s'entendre dire qu'on est jeune. Seulement moi, je n'ai que 16 ans, alors ça me paraît tout simple. « Ce n'est que plus aimable à vous de venir voir une vieille dame comme moi, » reprit Rose, battant en retraite dans les banalités. La jeune fille posa sur elle le regard calme de ses yeux de velours et répondit avec une simple franchise. « Martine nous a promis que vous seriez notre amie. Nous en avons grand besoin. » Les yeux de Rose s'adoucirent. « Martine vous a dit la vérité. Nous serons si bons amis que vous voudrez. Il vous aura dit aussi que j'aurais voulu avoir de la place pour vous accueillir ici tous, mais ce chalet est une boîte d'allumettes. Et nous sommes un peu encombrants. » Rose écarta d'un gentil rire cette impertinence gratuite de son vieil ami. « Allons, » se dit celui-ci, « cela commence mieux que je n'avais espéré. Bon. » Voilà la petite qui flanque son chapeau sur le sofa et qui s'arrête devant la glace pour se faire bouffer ses cheveux. Pourvu que Rose ne se formalise pas. À table, il ne fut question que des petits Water. Rose savait déjà tous leurs noms et manifesta le désir de faire bientôt leur connaissance. « Car vous savez, quoi que Martin en dise, je ne suis pas si poule mouillée que cela. » La jeune fille était toujours charmante quand elle parlait de ses frères, et surtout de Terry, dont Rose venait de prononcer le nom avec une sympathie qui avait amené sur le visage de la grande sœur une rougeur de plaisir. « Vous verrez, c'est le mieux de nous tous, vous en raffolerez. S'il avait un peu de chance, je ne parle pas de sa santé. Papa et maman ont fait vraiment tout ce qu'ils ont pu de ce côté-là. » Mais il n'a pas été sérieusement élevé, et il est si délicat qu'on ne peut pas l'envoyer à l'école. » Elle poursuivit, s'oubliant elle-même et sortant de ses vieilles habitudes de défensive, emportée par le besoin de faire comprendre son frère, de le mettre dans son plus beau jour devant cet ami de Martin, qui était évidemment une personne à principe, comme Terry lui-même. « Tenez, voilà encore la déveine de ce pauvre Terry. Depuis je ne sais combien de temps, il suppliait qu'on lui donnât un précepteur. » Comme en ont les gamins de son âge qu'on ne peut pas mettre au collège. On ne pouvait pourtant plus le laisser à Scopy et à la nounou. Et enfin, c'était fait, on avait trouvé l'oiseau rare, tout allait comme sur des roulettes. Quand voilà-t-il pas qu'il a fallu que Joyce se mette en tête de l'épouser? Vous avouerez que c'est la poisse. Madame Sellars en convint, mais il était visible à la moue de ses lèvres que déveine et poisse n'étaient pas de son vocabulaire. Ce ne sera qu'un caprice de madame votre mère. « Quand il faudra en venir au fait, elle ne fera pas sauter tout en l'air pour épouser ce jeune monsieur. » La jeune fille ouvrit de grands yeux. « Mais si elle l'aime ?» Les paupières de Rose s'abaissèrent comme sur un moi intérieur une personne morte. « Mon Dieu, elle peut réfléchir, mon enfant. Pensez à vous. »« Oh, elle y pense, c'est déjà fait. C'est à cause de nous qu'elle livre bataille à papa. C'est pour ça qu'on a mis les voiles. Martine ne vous a donc rien dit ?» Il a préféré vous laisser vous expliquer vous-même, si cela vous convenait du moins, reprit Rose, avec une discrétion pleine de tact. La jeune fille parut surprise. Elle fronça les sourcils d'un air de ne pas comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? J'ai enlevé les petits pour qu'on ne nous sépare pas. Si le gosse ne s'occupe pas d'eux-mêmes, qui voulez-vous qu'il fasse pour eux? Pas les parents, bien sûr, quand ils ne savent pas se conduire eux-mêmes. Mon enfant, se surprit à dire très vite Madame Sellars, en mettant la main sur celle de la jeune fille, « Mon enfant, Dites cela à madame votre mère, comme vous venez de me le dire, et je vous réponds qu'elle ne vous quittera pour personne. » La jeune fille se dérida et leva un front incrédule. « Ce ne serait pas la première fois, vous savez. On perd la tête quand on aime. » « Voilà une chose qui, j'espère bien, ne m'arrivera jamais, » déclara-t-elle d'un air péremptoire. « Du reste, » poursuivit-elle, « les enfants ont si fait. Vous n'en avez pas, n'est-ce pas ?» Rose fit non faiblement de la tête. « Bon, il n'est pas trop tard, » reprit la jeune fille d'un air encourageant. « Seulement, si vous aviez la famille sur les bras et les baies par-dessus le marché, je vous garantis que vous en auriez assez. Pauvre maman, ce n'est pas qu'elle manque de cœur, seulement elle a des orages. » Comme disait cette pauvre Doll Westway qui s'y connaissait. Madame Sellars posa la cuillère dont elle se servait pour remuer sa tasse de café. « Vous dites Doll Westway ?» La figure de la jeune fille s'illumina. « Vous la connaissiez ?»« Non, » fit Madame Sellars sur un ton catégorique que Boyne connaissait bien, mais qui échappa à la jeune fille. « C'était ma meilleure amie, » reprit celle-ci sans s'étonner. « Vous n'avez jamais rien vu de si joli à regarder. » En maillot de bain rosté. Vous ne trouvez pas que c'est un crime de rester enfermé par un temps pareil ? Dit Madame Sellars en rompant les chiens. Si vous avez bu votre café, nous pourrions nous installer sur le balcon. Martin, cherchez-nous les cigarettes. C'était une douceur irrésistible comme un enveloppement à la glace. La jeune fille suivit Rose malgré elle, sans comprendre, tandis que Boyne, avec une énergie farouche, passait le plateau de cigarettes. Patatras. Qu'est-ce qu'il y avait encore qui ne marchait pas ? Pour le moment, du reste, le désastre se trouva aussitôt réparé par l'apparition d'une nourrice en bleu qui amenait par le sentier au-dessus du balcon un petit garçon tout rose. « Par ici, je suis là !» leur cria joyeusement Judith, et Madame Sellars, penchée à côté d'elle, déclara « Voici un personnage trop beau pour n'être pas le fameux Chip. » Ah, ça c'était une bonne idée, et c'était vraiment bien manœuvré de la part de la jeune fille d'avoir ménagé cette entrée juste à ce moment-là. Pour une femme sans enfant, la vue de cette brassée de vie et de gaieté devait être à la fois un bonheur et un serrement de cœur. Les regards du couple se rencontrèrent. Ceux de Rose souriaient, tremblaient. « Zut pour la tante Julie !» répondaient ceux de Boyne. L'enfant avait déjà répandu autour de lui son imbe d'immuable sérénité. On était rentré au salon pour lui faire fête, et lui trônait comme un petit Bouddha sur les genoux de Rose, et riait de satisfaction à la vue du cercle d'admiration qui l'entourait. Dès qu'il paraissait quelque part, tout devenait pur et mousseux comme un bol de lait frais. « Certainement, il est gentil, » dit la jeune fille avec une modestie pleine de tendresse. « Mais quand vous aurez vu Terry ?»« Terry ne peut pas venir. Mais nous voici, nous autres, » annonça de la porte une petite voix aiguë. « Ah ça, c'est trop fort, Zinni !» Et Judith bondit avec indignation, mais déjà, s'encadrait dans la porte la petite personne de sa jeune belle-sœur, dont la tignasse de feu était suivie des têtes crépues de Bun et de Beachy. « Par exemple, ce n'est pas ma faute, mademoiselle. Suzanne m'a juré qu'elle ne les quittait pas des yeux tout le temps que nous étions ici, » protesta la nourrice que Judith écrasait d'un regard de colère. « Ce n'est pas non plus la faute de Suzanne, » fit Zinni avec beaucoup de sang-froid. « Elle nous surveillait très bien, seulement elle court moins vite que nous. » Parce qu'elle a un soulier qui la blesse. Et alors, au bout d'un moment, elle y a renoncé. Pas vrai ? Ajouta-t-elle en se tournant vers les baies. Mais une culbute magistrale amena Bun au centre de la ligne où il resta fixé, la tête en bas, les sandales en l'air, tandis que sa sœur se jetait sur Rose et entourait Chipstone d'une étreinte passionnée. Oh, mon vieux Chipo, on croyait qu'on t'avait perdu, on te croyait mort. Gémissait-elle avec gaieté et l'enfant écoutait avec une grimace rose. « Voyons, c'est-il du propre, de la part de Judith, de se tirer toute seule, et de nous laisser en plan sans même nous dire où elle allait. Cette sournoise, de faire venir Chip et pas nous. Lui qui est le plus petit de la bande, c'est-il juste ?» disait Zinni en prenant Rose à témoin avec véhémence. « Sans doute, » répondit celle-ci, « mais c'est plutôt ma faute de vivre dans une cabane si petite que je ne pouvais pas vous avoir tous dans ma salle à manger. Aussi, » ajouta-t-elle avec diplomatie, « on a choisi votre petit frère pour vous représenter, parce que c'est lui qui tient le moins de place. »« Ce n'est pas vrai, c'est moi !» glapit Bun, en se remettant vivement sur ses pieds et en dévisageant Rose d'un air de défi. « Je passe dans un arceau de croquet, je... Toi, tu ne sais pas te taire, et c'est pour cela que j'ai amené Chip, et pas vous autres !» s'écria Judith en secouant son petit frère, tandis que Nounou s'emparait de Beachy pour étouffer un début de crise de sympathie et de hurlements fraternels. « Oh, ces enfants !» dit à la porte une voix nouvelle, cette fois si discrète, si suavement dégoûtée, que Madame Sellers se leva, empressée d'aller au-devant d'une visiteuse aussi peu habituée qu'elle-même aux sociétés bruyantes. « Je suis vraiment désolée. » C'était Blanca qui faisait ainsi son entrée à son tour avec un tel air de maturité mondaine qu'on aurait pu prendre Judith pour sa cadette. Cette pauvre Suzanne m'a dit que les petits lui avaient échappé dès qu'ils ont su que Nounou venait ici avec Chip. Elle a eu beaucoup rire, elle n'a pas pu les rattraper. Je suis au désespoir, mais je n'y suis pour rien. Elle était essoufflée. Mais tout en s'excusant ainsi auprès de sa sœur, ses yeux sous leurs longs cils ne perdaient pas un geste de Rose ni de Boyne. « Ce cher Martin, » ajouta-t-elle en le gratifiant d'une des intonations étudiées de sa mère. « C'est moi la jumelle de Terry, » expliqua-t-elle à Rose. Celle-ci, fort à l'aise cette fois avec des grâces si semblables aux siennes, répliqua en souriant que, puisque Terry ne pouvait venir, elle était très heureuse de recevoir quelqu'un de si charmant à sa place. Judith et Boyne échangèrent une grimace, mais avec un bel élan de sincérité, Blanca repartit. « Allez, quand vous aurez vu Terry, nous autres, nous ne serons plus grand-chose. »« Pardon ?»« Bitchy et moi, nous sommes princes romains. » glapit Ben en esquissant un coup que Judith arrêta d'un geste. Mezzini écartait son frère et venait se planter devant Madame Sellers. « Maman a plus d'argent que tous, c'est une étoile de cinéma, » siffla-t-elle de sa petite voix en vrille. « Elle pourrait se les payer, leurs princes, si elle voulait. » Mais moi je ne veux pas, parce qu'on s'aime bien tous. Et Judith nous a fait jurer sur le livre à Scopie qu'on resterait tous ensemble jusqu'à ce qu'on se marie. Moi c'est probable que j'épouse Bonne. » À cette déclaration, des larmes de rage apparurent dans les yeux de Beachy. Mais Bonne, indifférent aux émotions qu'il déchaînait, interrompit pour ajouter « Ma vraie mère du reste, c'était une dompteuse. Seulement elle est morte, alors ça ne compte plus. » Rose se haussa à la hauteur des circonstances. Elle improvisa des jeux, un thé, puis d'autres jeux, avec la promptitude et l'adresse qui la distinguaient dans ces cas-là, et l'après-midi finissait quand cette bande d'enfants gavés et endormis la quitta pour reprendre le chemin de la pension Rosenglue. Sur le seuil du chalet, Zinni se retourna en levant le nez vers le balcon. « Je suis sûr que si vous aviez su qu'on viendrait, vous nous auriez préparé une petite surprise. » Une gifle de la grande sœur châtia l'indiscrète, et Judith se hâta de ramener son petit troupeau, pas assez vite cependant, pour ne pas entendre la réponse de Madame Sellers. « Revenez demain, et vous verrez. » Rose n'attendit pas si longtemps pour rendre leur visite à la turbulente famille. Le soir, elle fit un paquet de livres choisis à l'intention de Terry et descendit avec Boyne jusqu'à la pension Rosengleu. La petite classe était à table. Miss Cope reçut la visiteuse et la conduisit au chevet de l'enfant. Judith et Boyne restèrent en bas, parce que le docteur avait recommandé de ne pas le fatiguer. Rose ne resta que quelques minutes avec Terry, et quand elle rejoignit Boyne, qui l'attendait à la grille, elle lui dit simplement « Je suis contente d'être venue ». Boyne lui sut gré de lui laisser deviner le reste. Il n'avait jamais eu de doute sur le résultat de cette rencontre. En rentrant à l'hôtel, il trouva la dépêche qui l'attendait depuis le matin. « Au nom du ciel, télégraphie, si enfant avec vous, et Chipstone en bonne santé. Mortellement inquiet. Coup de tête incompréhensible. Police a perdu trace à Padoue où fugitifs ont loué des autos pour Bodson. Renvoie enfant immédiatement. Enverrons argent par dépêche. Waiter. » « Allons, il faut y aller et lui parler moi-même. » grogna Boyne en froissant le papier dans sa poche. Tout son petit paradis d'un jour gisait par terre. Et alors, pour le reste, mieux valait prendre le taureau par les cornes et en finir tout de suite. Il consulta la pendule, et ce fut avec une certaine satisfaction qu'il se dit « En tout cas, trop tard pour ce soir, la poste est fermée. »